bienvenue dans Holiday Mix. Holiday Mix avec Monsieur Cortez. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau Holiday Mix 100% House aujourd'hui, Tech House, Underground Sound ainsi que de belles vocalises. On démarre avec une légende de la dance music. Elle a démarré sa carrière en 1969. Son premier gros tube, Young Hearts Run Free, date de 1976. On lui doit également le fameux You Got The Love, enregistré en 1986 et repris il y a deux ans par Florence and the Machine. Voici son dernier titre aujourd'hui dans Holiday Mix. Ça s'appelle Alléluia. Anyway, mesdames, messieurs, je vous demande d'accueillir chaleureusement Madame Candy Staton. Holiday Mix avec Monsieur Cortez. Keep working out free. You're listening to Monsieur Cortez Soulful House Session. Everybody loves the sun. We'll be right back. Holiday Mix couleur Deep and Disco House. C'est en 1980 que Blondie avait sorti ce Rapture, produit par Neil Rogers et Bernard Edwards de Chic. Cette reprise s'appelle Body Dreaming et c'est signé André Crom sur le label Exploited. Juste avant, vous avez entendu Danny J. Lewis avec un dub aux couleurs Underground Old School. Un autre duo de légende à venir dans quelques minutes, ce sera le duo Quentin Harris et les vocaux de Madame Inayade avec Do the Right Thing. Mais dans l'immédiat, on reste dans la tendance Old School House avec ce Back to 90s de Nice 7. We'll be right back. Ibiza. C'est tout nouveau. Et rien que pour toi. En exclusivité sur Holiday Mix. Holiday Mix. How much do you think it will cost you to help out someone else? And how much do you think it will run you to give a little love yourself? And how long do you think it'll be before you get around to do it right? And how long do you think it'll take until your good and bad side collide? Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, do the right thing. Keep no caution, got me out your mouth, you do the right thing. To save your wicked soul, tell me about it. And just maybe we can change your copper to gold. You just make me a little dismayed, 'cause everyone but you get paid. Ain't no guarantees in life. Yeah. Holiday Mix. Holiday Mix. Mixeur qui monte en matière de American House, David Herrero qui a remixé ce My Love Can Take You Higher de Giorgio Schultz. Juste avant, vous avez pu entendre Punky Blaster avec Missing, un remix signé Cube Guys. C'est en 1967 que sortait à Broadway la comédie musicale Air, dont est tiré le fameux titre Let the Sunshine In. Milk and Sugar en avait fait un tube il y a 10 ans. Voici la version 2012, c'est signé Toca Disco. Et ça devrait booster vos dance floors pour ce début 2013. Tu écoutes Holiday Mix. Holiday Mix. Les meilleures nouveautés qui font vibrer les dance floors du monde entier. It's so lovely when it's sunny. We'll be right back. It's so lovely when it's sunny. Thank you. Holiday Mix avec Monsieur Cortez. Say it. We got a party to go to tonight. I've been saving up all day just for this. I am ready, and I am out the door. Holidaymix aux couleurs Disco House aujourd'hui avec ce parti signé Jay Vegas. Juste avant, il y avait RLS avec Waiting for the Sun et Crazy Biza avec Beatbox. Ce Holidaymix touche presque à sa fin. On va se quitter avec une opérette Dance Floor avec la voix magique de celui que l'on surnomme la diva Alain Trains. La production est signée Matt Hughes. Voici Veni Carnaval. Bye bye et à la semaine prochaine. Holiday Mix.